بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طيب، في درس الماضي دخلنا في فصل جديد وهو فصل في الأدلة في الأسماء، نكوائد في أدلة الأسماء والصفات. On a pris deux règles, deux premières. C'était quoi la première des deux ? D'où on le tire ? La deuxième règle qu'on a pris avec. On prend selon l'apparence du texte. Non. Et tout ça, on l'a pris dans Talmouria, alhamdoulilah. C'est pour ça, Namji. Taïb. Là, on va prendre deux autres Qaïda. La première, qui sera la troisième complète, et la quatrième, qui est un peu plus longue, sera prise en deux ders, Inch'Allah. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة troisième. قال ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهول لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية هي التي هي عليها مجهولة. Donc là, qui dit que justement l'apparent des textes concernant le sifat est connu d'un point de vue pour nous et d'un autre point de vue, il ne l'est pas. Le sens, hadha ma'lum lana. Le sens nous est connu. Amal kayfiya, la haqiqa, ça, le comment et la réalité nous est inconnu. Ça revient au kalam de qui ? Le fameux kalam de qui ? من قال هذا؟ الإمام مالك وشيخه ربيعة. وقد دل على ذلك السمع والعقل. شوف فوق على السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. C'est un livre que nous avons descendu sur vous, Mubarak, afin que vous puissiez méditer ou qu'ils puissent méditer ces versets et que puissent se rappeler les dotés d'intelligence. وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تأكلون. Nous allons faire un Coran en arabe afin que vous puissiez raisonner. وقوله وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu éclaircisses aux gens ce qui leur a été descendu afin qu'ils réfléchissent. والتدبر لا يكون إلى فيما يمكن الوصول إلى فهمه يتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من فهم العربية. Donc là maintenant, le tadabbur, le fait de réfléchir, de méditer, cela n'est possible qu'avec une chose que tu as comprise, hein, que tu puisses te rappeler. Et le fait que le Coran soit en arabe, cela est fait pourquoi ? Pour que le comprennent ceux qui parlent la langue arabe. Donc tout cela t'incite également, on doit inciter le muslim à s'efforcer, à se hâter, à faire les causes pour apprendre cette langue. Et tous ces kalems-là te prouvent bien que rentrer dans ce genre de domaine, surtout qui touche au haqqilla azawajal sur la langue arabe, cela c'est de la folie. Et c'est de la pure ignorance, bien évidemment. Yadullu ala anna ma'anahu ma'loumun illa lima kana farkun bayna an yakuna bil'arati al'arabiyya wa ghayriha. Donc le sens, cela nous montre, le sens il est connu. Lakin, il est connu pour qui ? Pour celui qui parle langue arabe. Ou alors, celui qui aura une tarjama relative et rapprochée, il pourra avoir également un aperçu. وَبَيَّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ شَامِلْ لِبَيَّنْ لَفْظِهِ وَبَيَّنْ مَعْنَهِ. Qu'est-ce que le Nabi صلى الله عليه وسلم a fait comme éclaircissement ? Cela inclut le sens et les termes employés. Donc ça, c'est ce qui concerne le sama. وما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بها أو بهذا الكلام بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هادية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى. Et du عقل qu'il est impossible que Allah Azza wa Jal nous fasse descendre un livre ou que son messager sallallahu alayhi wa sallam parle d'une parole, voulant par là éclaircir ce livre, qui sera une guidée pour les gens, on va dire pour la création même, dont les gens sont en plus grand besoin, et après cela, ils ne comprennent pas le sens. C'est pas possible cela. بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى وقد قال الله تعالى في كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Donc cela fait partie justement de la faiblesse d'esprit de penser cela. Que cela également s'oppose totalement à la hikmah d'Allah Azza wa Jal. Kamin sifati al-hikmah. Donc cela n'est pas possible. Quelqu'un qui a de la hikmah, d'un autre humain, agisse de la sorte. Alors qu'on est-il du Créateur. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. En tout cas, ce sont les adillah qui nous démontrent que nous, on comprend l'essence qui touche aux sifat. L'essence des termes employés qui touche aux sifat, on les connaît. وأما دلالتهما على جهلنا لنا أو لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. Et le fait justement, les preuves démontrant que cela nous est inconnu en ce qui touche à la kayfiyya et à la haqiqa, ces preuves ont déjà été citées dans la sixième règle qui touche aux sifat. D'accord, que le comment on ne connaît pas. Le comment on ne connaît pas. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف والسلف بريء من هذا المذهب وقد تواترت الأقوال عنها بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا وتفويدهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. Donc cela, c'est pour démontrer la fausseté du mazhab des Mufawwidha, ceux qui disent « Nous, on ne connaît pas le sens, on le renvoie à Allah Azzawajal. » Et ces gens-là prétendent que cela, c'est le mazhab des salafs, alors que les salafs sont innocents de ce mazhab, du tafouid. Et bien, des aqwal des salafs ont été cités, démontrant que le sens est connu. D'accord ? Le sens est connu. Et que par contre la kefia, c'est ça qu'on voit à Azza wa Jal et non pas le ma'ana. Et combien même, on l'expliquait, l'eau, fata haduna al ma'ana, la yafut al jamia. Même si un sens devait échapper à quelqu'un, un savant, sur le mas'ala ou quoi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui n'a rien compris. Il y aura forcément un autre savant qui aura compris. Quand le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah fi kitabi al-ma'ruf al-aql wa al-naql. L'aql avait apporté une kalam de Cheikh al-Islam par rapport au tafouid. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله. Donc quant au tafouid, là il parle du tafouid, il est connu que Allah Azza wa Jal nous a ordonné justement de méditer sur son livre. Il nous a incité à le faire. Donc comment peut-il être permis, peut-on se permettre, après cela, de se détourner justement du fait de chercher à comprendre justement ses sens. Alors que c'est une chose que Allah nous a incité de faire. Il est un col, sauf Hatmiyad wa Samanata Achar. Wa hayna yazin yakunu ma wasaf Allahu bihi nafsahu fil Qur'an, au kathir bima wasaf Allahu bihi nafsahu, la yalamu l'anbiya ma'nahu, bel yakuluna kalaman, la yakiluna ma'nahu. Donc après, il dit par la suite, toujours dans le même nocle, et après c'est un paragraphe, que Allah se décrit lui-même dans le Coran. Donc comment ça veut dire que pour les Mufawwidha, que beaucoup des choses que Allah Azzawajal dans le Coran a citées à propos de lui-même, les NB ne comprennent pas. Ils disent une parole dont ils n'ont pas cerné le sens. وامر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبلغ البلاء المبين وان يبين للناس ما نزل اليهم وامر بتدبر القران وعقله ما هذا فاشرف ما فيه وهو ما اخبر به الرب عن صفاته لا يعلم احد معناه ولا فلا يعقل ولا يتدبر donc il dit et cela bien évidemment cette pensée est une offense envers le coran envers les anbiya car Allah azza wa jalla fait descendre le coran et informé de ce que, du contenu du Coran, et on a fait une guidée pour les gens. Et il a ordonné aux messagers de retransmettre cet éclaircissement qui est clair, et qu'il clarifie aux gens ce qui leur a été révélé, en méditant sur le Coran et en le comprenant. Donc là, c'est la chose la plus noble qui est dedans, dans le Coran. Hein, la chose la plus noble qui est dans le Coran, c'est ce que Allah Azza wa Jal a informé à propos de lui-même. Donc cela veut dire que personne n'aura compris le sens, personne n'aura cerné ce qui est voulu par là. وَلَا يَكُونُ الرَّسُولُ بَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَا بَلَّغَ بَلَاغَ الْمُبِينُ وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَيَقُولُ كُلُّ مُلْحِدٍ وَمُبْتَدِعٍ الْحَقُّ فِي النَّفْسِ الْأَمْرُ مَا عَلِمْتُهُ بِرَيِّي وَعَقْلِي وَلَيْسَ فِي النُّصُوصِ مَا يُنَاقِضُ ذَلِكَ لِأَنَّ تِلْكَ النُّصُوصُ مُشْكِلَةٌ مُتَشَابِهَةٌ ولا يعلم احد معناها وما لا يعلم احد معناه لا يجوز ان يستدل به فيبقى هذا الكلام سدا للباب الهدى والبيان من جهه الانبياء وفتحا لباب من يعارضهم donc ça veut dire que les messagers ou le messager sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas éclairci aux gens ce qui leur a été descendu, d'accord? Et si on prenait ce sous-entendu, ça veut dire que tout mulhid et tout mubtadi' pourrait dire en cela que la vérité dans tel et tel mas'ala, c'est ce que moi je vois, c'est mon avis à moi. Taïeb, il n'y a aucun texte qui s'oppose à ce que je dis là. Comment ces textes pourraient s'opposer à ce que je dis là? Vous n'avez pas compris les textes. Taïeb, parce que les textes elles-mêmes ont des choses qui portent à équivoque, comme cela est connu. Et ils vont dire, et personne ne connaît l'équivoque justement, ce mutashabir qui est entre les textes. Donc il n'est pas permis, c'est-à-dire là le Moutadir ou le Moulhidi va dire à ces gens, il ne t'est pas permis de prendre comme preuve ces versets alors que tu n'en as pas la compréhension. Donc là ça amène quoi? Ça amène un beb, ça ouvre une porte à toute personne qui voudrait rejeter la guidée ou s'opposer à ce à quoi, avec quoi sont venus les messagers. ويقول ان الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الانبياء لاننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالادله العقليه والانبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا ان يبينوا مرادهم. Il dit donc la guidée et l'éclaircissement est d'entre voix à nous. C'est-à-dire le Mubtadi dit ça et le Mulhid dit ça. Il dit et non dans la voix des anbiya. Pourquoi? Parce que nous, ce que nous disons, nous savons ce que nous disons. Nos paroles à nous elles sont claires, on les comprend. Hein? Basées sur le aql. Alors que le anbiya disent des choses qu'ils n'ont pas compris ni eux et que vous ne comprenez pas vous non plus. Alors que dire si vous n'avez pas compris qu'ils vont en plus pouvoir vous éclaircir leur objectif. فَتَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَ التَّفْوِيدِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ مُتَّبِعُونَ لِسُنَّةِ وَالسَّلَفِ مِنْ شَرِّ أَقْوَالِ أَهْلِ الْبِدَاعِ وَالْإِلْحَادِ. Donc de là après cela, on voit que justement ce mazhab de tafwid est parmi ce qu'il y a de pire. D'accord? Parmi ce qu'il y a de pire. Parmi les aqwal des aides du genre de la bid'a et de l'ilhad. Et ces moufouidans, eux prétendent suivre les salafs. Ils prétendent suivre les salafs. Chose qui n'est pas du tout le cas. Donc là se termine le kalam de Sheikh al-Islam. Kalam Sheikh, huwa kalam sadid, min zi rayis rachid. Wa ma alayhi mazid, wa rahmahullahu ta'ala rahmatan wa asi'a. Wa jama'ana bihi fi janab, fi jannati na'im. Wa jama'ana bihi fi jannati na'im. Donc il dit que le kalam de Sheikh al-Islam, il est clair. Et que Sheikh al-Islam à la base, c'est une personne qui est de réflexion juste, qui dit des paroles très justes. Et cette parole-là n'a besoin d'aucun ajout, pas de commentaire, elle est claire en elle-même. Et après, il a fait dua que Allah lui accorde d'être, de nous accorder d'être avec lui dans le Jannah. sans pour autant dire que Shiril Sam est au Jannah, lakin c'est au Jannah, on veut être avec lui également. Et nahnu mimman naqul anna Shiril Islam mimman yurja lahu an yakuna min ahli al-Jannah. Narju lahu bidhalik. Et tout ce qu'il a fait comme parcours et tout ce qu'il a donné comme science et comme djihad, on ne peut penser que du bien de lui. Donc ça, c'était cette règle-là qui était que dans les termes employés, les sens nous sont connus, mais le kayfiya et la hakika nous sont ignorés. Donc il y a des choses qu'on connaît et d'autres qu'on ne connaît pas. D'accord ? D'un côté, c'est connu, de l'autre, ça ne l'est pas. ثم قال القاعدة الرابعة quatrième règle celle-ci on va la prendre en deux parties inchallah parce qu'elle est longue قال ظاهر النصوص ما يتدابر منها الى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف اليه الكلام. Donc il dit maintenant l'apparent des textes, ce qu'on voit dans le côté apparent des textes, ce qui apparaît dans l'esprit comme sens ou la façon dont les phrases sont formulées ou quoi, leur sens peut changer en fonction de ce qui est attribué ou pas. Ça peut varier. D'accord, ça peut varier. Et ça, il va l'expliquer maintenant. C'est-à-dire, un terme employé pour une chose peut avoir un autre sens employé pour autre chose, tout en étant le même mot. Ou une jumla peut avoir un sens, c'est-à-dire, tu prends une phrase, elle a des mots, elle se compose de certaines kalimètes, et tu peux faire une autre phrase avec les mêmes kalimètes, et en changeant l'ordre ou en faisant un autre talkib, la jumla, elle prend un sens différent. فَالْكَلِمَاتُ الْوَحِدَ يَكُنْ لَهَا مَعْنَا فِي سِيَاقْ وَمَعْنَا آخَرْ فِي سِيَاقْ وَتَرْكِيبَ الْكَلَمْ يُفِيدُ مَعْنَا عَلَى وَجِّ مَعْنَا آخَرْ عَلَى وَجِّ. Comme je viens de le dire à l'instant. نفس الكلام. قال فَاللَّفْظ الْقَرْيَ مَثَلًا يُرَادُ بِهِ الْقَوْمُ تَارَ وَمَسَاكِنِ الْقَوْمِ تَارَ أُخْرَى. Donc, Mathalan dit, le Koriya, ce qu'on appellerait une contrée, un village, peut avoir plusieurs sens. Parmi le sens voulu, on peut vous dire par là, un peuple. Et un autre sens voulu, ça peut être le lieu de résidence d'un peuple, comme le sens d'un village. Et ça vient à quoi? À la Mas'ala du Majaz, Kalem le Majaz, ou Al-Hakika. Al-Hakika, c'est qu'on prend le terme de ce pourquoi elle a été donné depuis le début. Et le majaz, qu'on utilise le terme pour autre chose. Ce qu'on appelle métaphore en français. Et comme à Zakarna, en el majaz, laisse le wujud, à la sahih, fil kitab, ou à la fi sunnah, ou à hatta fil lorat et l'arabe. Il n'y a pas de majaz dans le Coran, ni dans la sunnah, ni dans la langue des arabes. Ça, c'est une masala sur laquelle il y a beaucoup de khilaf, même parmi les gens de la sunnah. Certains disent qu'il n'y a pas de majaz dans le Coran, mais il y en a dans la langue arabe. D'autres qui disent qu'il y en a. En langue arabe, dans le Coran, mais c'est pas comme les Moutadira ils le disent, et ainsi de suite, et ça va, et ça va. Non. قال فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إن مهلكوا أهل هذه القرية. Donc l'exemple, c'est celle de Qariya, dans le premier verset, qui dit qu'il n'y a pas de Qariya sans que nous la détruisions avant le jour du jugement, ou que nous les châtions d'un dur châtiment. Et dans l'autre verset, dans le sens où Allah Azza wa Jalla dit à propos justement des malaïkas qui sont venus en tant qu'invités chez Ibrahim, ils ont dit quoi? Nous allons certes détruire les gens de cette Qariya, de ce village. وتقول صنعت هذا بيدي فلا تكون اليد كاليد في قول الله تعالى لما خلقت بيدي لأن اليد في المثل أضيفت للمخلوق فتكون مناسبة له وفي الآية أضيفت للخالق فتكون لائقة به فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق يد المخلوق أو بالعكس. Donc maintenant quand quelqu'un dit j'ai confectionné cela de ma main, sa main n'est pas comme dans le verset d'Allah Azza wa Jal où il dit lui-même Allah de ce que j'ai créé de mes deux mains. Car dans la première phrase, la main était attribuée à qui? La première à l'homme. Et dans le verset, la main était, les deux mains ont été attribuées à qui ? Allah Azza wa Jalla. Donc il n'est pas concevable pour quelqu'un qui a une nature saine de se dire que la main de l'homme est comme celle du Créateur. Abadan. Et pourtant, c'est le même mot. Yad, yad. وَنَقُولُ مَا عِنْدَكْ إِلَّا زَيْدْ وَمَا زَيْدُ إِلَّا عِنْدَكْ فَتُفِيدُ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةَ مَعْنَ غَيْلْ مَا تُفِيدُ الْأُولَى مع اتحاد الكلمات لكن اختلف التركيب فغير المعنى به مثلا تدي ما عندك إلا زيد كي نيش توا كو زيد اي دون لوت فراز ما زيد ولي عندك كو زيد ني كو شي توا لا اون لي دو فراز ديفيرونت افيك لي ميم مو مي اون ميزور دو تركيب كي ايتي فا كومون لا فراز ايتي فورمولي لو شانج لو سونس اي شانج داكور لو سونس اي شانج دون اون سي qu'il n'y a que Z qui est chez toi et personne d'autre. D'accord ? Dans l'autre phrase, Z n'est que chez toi. C'est-à-dire qu'il y a Z n'est que chez toi et pas ailleurs. D'accord ? C'est deux sens différents. Ah, il peut avoir deux personnes avec lui, mais qui n'est pas ailleurs. وإذا تكرر هذا فظاهر النصوص الصفات وما يتدابر منها إلى الذهن من المعاني وقد انقسم الناس فيه الى ثلاثه اقسام. Donc maintenant il a dit si tu as compris cela, il en est de même en ce qui concerne les textes des sifat et les gens sont divisés en trois catégories là-dedans. القسم الاول من جعل ظاهر المتدابر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وابقوا دلالتها على ذلك وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والذين لا يصدق لقب اهل السنه والجماعه الا عليهم. Donc les premiers des gens sont ceux qui ont pris le texte selon leur apparent et d'une façon qui revient à Allah Azza wa Jalla. D'accord, l'apparent du texte ils l'ont appliqué comme cela revient à Allah Azza wa Jalla. Donc ils ont gardé les textes comme ils sont et ont pris les preuves comme elles sont venues, et ceux-là sont les salaf. D'accord, ceux qui sont réunis sur quoi était le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les sahaba, et ces gens-là sont ceux qui méritent d'être appelés réellement les gens de la sunna. Car plein de gens sont fait appeler les gens de la sunna, mais zuran wa zulma. La yastahikuna dhalika. Qal, wa kod ajma'u ala dhalika kama nakalahu ibn Abdelbar, fa qal, ahl sunnati mujma'una ala al-ikrar bis sifat al-warida kulliha fil Qur'an al-Karim wa sunna wa al-imanu biha wa hamliha ala al-haqiqa la ala al-majaz illa annahum la yukayifuna shay'an min dhalika wa la ولا يحد لا جدي ح لا يحدون فيه صفة محصورة تتعين تو لا يحدون لا donc il dit justement que les gens de la sunna sont unanimes par rapport à cela et cet ijma a été rapporté par Ibn Abdelbar rahimahullah ta'ala que ils sont unanimes dans le fait d'attribuer les sifat à Allah Azza wa Jalla, de les prendre selon l'apparent des textes dans le Coran, dans la Sunna, et qu'ils transportent, ils comprennent ces textes selon leur réalité et non selon le majaz, les métaphores. Ils ne cherchent aucun comment, tant même ils ne l'imitent pas la sifat. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا تشاغل بتأويلها والواجب حملها لظاهرها وأن صفة الله لا تشبه صفة سائر الموصوفين بها من الخلق ولا يعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة ونقل ذلك عند ابن عبد البر والقاضي شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى الحمويه صفحات كذا وكذا من مجموع الفتاوى لابن القاسم. Donc après il a porté une autre parole de Al-Qadi Abu Ya'la dans son livre Ibtal al-Ta'wil. طيب dans lequel il dit qu'il n'est pas permis de refuser c'est Akhbar, c'est-à-dire qu'il cite les sifat, et lui de se préoccuper à aller les interpréter. Il nous est obligatoire de les prendre selon leur apparent. d'accord, qui sont les sifat d'Allah Azzawajal et qui ne ressemblent pas aux sifat des autres créatures. Et on n'a pas de croyance de tashbih. Bien qu'il y ait un cadre mouchtarik dans le tashbih. Le meilleur serait quoi de dire tamthil que le mot tashbih. Soit été ahsan an yu'abbar bi qawl tamthil. Et c'est cela qui était rapporté de l'imam Ahmed et d'autres parmi les a'imma. Na'am. Wa hadha wal madhhab as-sahih wa at-tariq al-qawim al-hakim wa dhalika li wajhin. Donc c'est la vraie voie à suivre, la voie droite dans la façon de prendre et d'accepter les textes qui font qui stipulent ou qui citent, qui évoquent les sifat d'Allah Azza wa Jalla et ses noms kadhalik. Maintenant il dit cette voie-là c'est la bonne et cela sous deux points de vue. الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من الأسماء ومن أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. Là, c'est l'application justement purement du kitab de la sunna. De prendre les textes selon leur apparent, dans les asma et les sifat. Et comme cela est connu chez les gens de science et de l'insaf, qui sont des gens de l'équité. والثاني ان يقال ان الحق اما ان يكون فيما قاله السلف او فيما قاله غيرهم والثاني باطل لانه يلزم منه ان يكون السلف من الصحابه والتابعين لو باحسان تكلم بالباطل تصريحا او ظاهرا ولم يتكلم مره واحده لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. Et deuxième call, c'est-à-dire que le haq c'est soit dans ce qu'on redit les salaf ou alors dans ce qu'on aurait dit autre que eux, d'après les khalas, ceux qui sont venus après eux. Et ça, le deuxième, est impossible. C'est bâtil. Car cela veut dire, ça vous impliquerait quoi? Que les sahaba auraient parlé faussement. Ils ont parlé que le bâtil. Vous voyez, clairement, ils auraient dit un bâtil de façon claire, et saliha, et qu'ils n'auront jamais dit la vérité, ne serait-ce qu'une seule fois. Donc, est-ce que cela est une chose qui est marcoule? C'est pas marcoule pour nous. Impossible. La siyama man kana ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous est obligatoire d'avoir pour croyance ce qu'ils ont dit, pris bien évidemment des textes. Wa dha yastalzimu an yakunu imma ja'ilin bil haqq wa imma 'alimin bihi walakin katamuh. Wa kilahuma batilun wa butlan lazim yadullu ala butlan al malzum. Fa ta'ayyana an yakuna al haqq fi ma qalahu as-salaf dun ghayrihim. Donc cela, qu'est-ce que cela impliquerait également de dire que les salafs n'ont pas dit la vérité? C'est-à-dire que soit ils étaient ignorants de cette vérité, ou alors qu'ils l'ont connu et qu'ils l'ont caché. Donc les deux, ça c'est bâtil. Mais là, chèque. Donc ce qui nous revient à nous, c'est de prendre ceux avec qui sont venus les salafs, et pas d'autres que eux. Aza wal manaj et salafi. Donc ça c'est la première catégorie de gens, les gens de la sunna qui ont pris les textes selon l'apparent. القسم الثاني deuxième groupe de personnes من جعل الظاهر المتدابير من النصوص والصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. Donc le deuxième sont ceux qui ont pris l'apparence des textes selon l'apparence des textes, mais seulement ils l'ont donné d'une façon qui ne revient pas à Allah Azza wa Jal. Ils ont fait quoi? Tashbih. Qu'ils ont mis l'apparence des textes, les sifat, les ont mis comme ça de la création. On appelle ça ces gens-là mushabbiha. On les appelle mushabbiha. Et leur madhab, il est bâtil. Nous, on va finir avec justement ce qisme-là de mushabbiha. Wa ghadan sanawasil fil mu'attila. Wa kada. Al-awwal wa annahu jinaya ala an-nusus wa ta'til laha. عن المراد بها فكيف يكون المراد بها تشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. Premier point, c'est que cela est un délit envers les textes, ce tashbih. Et c'est un ta'til, une suppression de ce qui est voulu par les textes. Et comment cela soit-il possible alors qu'Allah Azza wa Jalla, dans le sens où il dit il n'y a rien qui est comme lui. Hada awwal. Athani. أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات فيكون يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. Et que le عقل également, lui-même, démontre qu'il y a une différence flagrante entre la création, dans son essence, et ses sifat, et le créateur. Donc comment peut-on faire ressembler l'un à l'autre ? Cela est faux. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه مشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. Et que cette compréhension qui a justement ce mushabbih, celle-là s'oppose à la compréhension qu'ont eu les salaf. Donc qui est-ce qu'on va قدم également ? Les salaf. فإن قال المشبه أنا لا أعقل أن أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله فجوابه من ثلاثة أوجه. Donc qu'est-ce qu'il dit le mushabbih? Il dit moi je comprends de la descente d'Allah et de sa main que comme celle de la création, car Allah nous a parlé justement que d'une chose que l'on comprend, que l'on conçoit. Donc comment on peut le concevoir si ce n'est pas une chose que nous-mêmes on connaît ou qu'on a vu? Donc il dit en réponse à cela trois points. أحدها أن الذي خاطبنا بذلك والذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء. Déjà que Allah, celui qui nous a justement parlé et ce qu'on comprend, nous a dit qu'il y a un qui est comme lui. D'une part. ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. Également, il a interdit à ses serviteurs de lui donner des exemples, de le comparer à quelque chose, ou de lui donner des égaux, dans le sens où il dit, et ne donnez pas à Allah d'exemple, d'égal, car Allah sait, vous ne savez pas. Deuxième, ou plutôt toujours dans le premier point, dans la première réponse. Mais deuxième, il y a un idalil. Troisième, وَقَالَ فَلَا تَجَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez pas à Allah d'égaux alors que vous savez. وَكَلَامُهُ تَعَلَى كُلُّهُ حَقٌ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا. Voilà, il y a un accord. Donc la parole d'Allah Azza wa Jal, elle est véridique. Il n'y a aucune contradiction. Donc Allah nous a dit qu'il n'y a rien qui est comme lui. De ne pas lui donner d'exemple. De ne pas lui donner d'égal. Donc comment tu peux dire que ce qu'il fait, c'est comme ce qu'on fait nous-mêmes? C'est pas possible. Donc toi, tu dis que celui qui nous a parlé a dit telle chose. Bon, on dit celui qui nous a parlé a dit telle chose également. Donc comment on joue entre les deux maintenant? Il n'y a pas de tanakoud. C'est que toi, tu as mal compris la chose. Ça, c'est première réponse. Deuxième réponse. أن يقال له ألست تعقل أن تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات فسيقول بلى فيقول له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات فإن القول في الصفات كالقول في الذات ومن فرق بينهما فقد تناقض. Donc il dit, est-ce qu'il était possible de concevoir que Allah a une essence qui ne ressemble pas aux autres essences? Il va dire non, en effet. Il va dire, eh ben toi arrive à essayer de concevoir qu'il a des sifats qui ne sont pas comme les sifats de la création. Car la parole dans les sifats est la même que le kalam dans le zat. C'est la même chose. Et celui qui va essayer de différencier entre les deux va tomber dans quoi? Dans le tanakud, dans la contradiction. Donc si toi tu vois que l'essence d'Allah Azza wa Jal diffère de la nôtre, il en est de même pour ses sifats. Neuf, sachez, ne cherche pas à différencier. Troisième réponse. أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية فسيقول بلى. Dit, ne vois-tu pas que dans les créatures, il y a des choses dont les noms sont communs et dont les réalités diffèrent? Il va te dire, en effet. D'accord. فيقول له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ معنى التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأظهر وأعظم. بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. Donc lui a dit, si jamais tu as pu concevoir justement cette distinction qui entre les créatures elles-mêmes, pourquoi alors tu ne peux le concevoir entre le créateur et la créature? À savoir que la distinction qui entre le créateur et la créature est encore plus flagrante, encore plus grande, encore plus immense, encore plus claire. Même on dirait que le fait de comparer justement le créateur à la créature est une chose qui est impossible, comme cela a été démontré dans les règles, dans les adillets de la sixième règle. Naam. Donc là, c'est Naqifuna Elium. Donc on a appris quoi dans la deuxième point du Ders, qui est en réalité qui est le quatrième, ou plutôt le cinquième, non, quatrième point de ce troisième fossil. En premier lieu, on a pris plutôt la troisième règle qui était que les textes doivent être compris selon leur apparent. Et c'est ça le masab des salaf. Et deuxième point qu'on a pris, qui est le quatrième de ce troisième fossil, c'est que les kalams peuvent différer d'une phrase à une autre, d'un talqib à un autre, et de ce à quoi ils sont apparentés. Quand on dit yad l'insan, et après on dit yad l'khalik, c'est pas les mêmes. Bila chak. Après on a dit par rapport au texte, les gens se catégorifient en trois axes. Premier, les salafs qui ont pris le texte selon l'apparent, mais qui ont rendu cet apparent en ce qui revient à Azawajal comme réalité. Deuxième, le mushabbaha, ceux qui ont pris l'apparent seulement qui l'ont fait ressembler à la créature. Et après, on va prendre troisième prisme. Fiders al-Qadim, inshallah ta'ala. مفهوم؟ طيب فإلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك.